Moi, là, dire à quelqu'un que c'est un plan de marde, que ça en est un, là, ça me fait du bien. Ça m'enlève le goût d'allonger ma main sur la gueule. Les Jeux de Sotchi sont peut-être finis, mais il est toujours dans une forme olympienne et continue de gravir les échelons du podium du succès! Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vaux! Mon Dieu! C'est une des plus belles mains d'applaudissement. J'ai pas le droit de dire ça. C'est un des plus beaux gestes d'applaudissement que j'ai entendu depuis très longtemps. Hey, merci d'être ici, tout le monde. Bonsoir. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre de notre première semaine avec pas d'Olympique. Fred Savard, bonsoir. Hey, bonsoir. Ça a été dur, hein? Bon. C'est plate, pas de Sotchi, non? Vous trouvez pas? Il semble qu'il n'y a pas d'intensité dans cette semaine. Tu sais, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas eu de témoignage de maman qui braille parce que sa petite fille a gagné une médaille de bronze puis ça justifie les 12 ans quand c'est levé à 5h du matin. Non, il n'y a pas de. Tu sais, il y a pas de ça cette semaine. Moi je suis tanné des Olympiques, sincèrement. Ah oui? Ouais. Trop d'émotions. Moi, c'est dur sur le système. Moi, ça paraît pas, mais je suis un émotif malgré tout. Hein. Malgré quoi? Malgré tout. Ah? Alors, mais moi, je pleure tout le temps. Ah oui? Ah, il y a du vent, je pleure. Je coupe des oignons, je pleure. Je me mets des poireaux dans les yeux, je pleure. Je pleure tout le temps. T'es insensible, on dit. Bon. Non, mais avec la fin des Olympiques, ce qui est le fun, c'est qu'on a dû se remettre à regarder l'actualité, oui. À suivre l'actualité. Il y en avait cette semaine de la bonne en plus. Il y avait à la commission Charbonneau, il y avait Rambo Gauthier, ouais. Hein, qui se trouve être finalement assez attachant. Hein. Ben là, mais c'est vrai! Paraît que c'est le Michel Chartrand des temps modernes. Ben oui! En même temps, faut pas charrier. Non? Hein? À part le sacrage, ouais, j'avoue. Le lien est assez mince, j'ai l'impression. Moi, je le vois plus comme le Robin des Bois des régions. Ah ouais, hein? Un peu de Rambo des Bois. Non, mais il y a quelque chose de ça. Ouais. Le gars prenait aux riches, hein, pour remettre aux pauvres riches de la Côte-Nord. Ouais. Je trouvais ça le fun, ça. À d'autant qu'il soit membre de la FTQ. Oui, il y a ça. Ben, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas si dans le temps, le frère Toc était membre de la FTQ. Ouais, j'imagine, il était gros dur. Oh! Il mangeait de la soupe, puis il achetait après. Ah ouais. Il y a une bouchée de soupe, ah ouais. Sinon, quoi d'autre? Ben, on a eu la semaine du PQ, la semaine de Véronique Yvon. Ouais. Ah, c'était une très grosse semaine parce qu'elle a déposé une politique pour contrer l'itinérance. Ouais. Et ça, c'est pas rien, ça. Non, pas rien. Et d'ailleurs, pendant cette présentation-là de PowerPoint, là, je te dis que les gens de la CAQ étaient attentifs. Ah oui, mais comment ça? Ben, hey, écoute, il y en a plusieurs qui vont en avoir besoin après les élections. Ouais. Ou manger, ou dormir. Non, mais c'est pas évident. Puis Mme Yvon, on dira ce qu'on voudra, mais elle est très bonne pour la CAQ. Ça fait deux politiques qu'elle fait pour eux. Hein. Ouais. Mourir dans la dignité et la politique pour l'itinérance. Ça va être bon pour. Elle s'occupe de ce parti-là. Ah, ça va être bon pour Henri-François Gautré aussi, le pauvre, il est expulsé du Parti libéral. Vous avez vu ça, hein? Franchement. Alors, mais il paraît, en fait, que les libéraux, là, ils veulent mettre un candidat vedette contre Lorraine Pintal. C'est ça, l'idée. Ah oui, Lorraine Pintal se présente dans Verdun. Oui, puis Lorraine Pintal, c'est une candidate vedette aussi, ah ouais. C'est ça qui est surprenant. Mais ce qui est important, en fait, et ça, c'est une des 56. Les gens de Verdun, les passionnés de théâtre. Ben oui, on le sait. On pense déménager le théâtre du TNM à Verdun. Ah ouais. Ben, c'est une rumeur que j'ai entendue. Mais non, mais Lorraine Pintal fait partie des 56 candidats vedettes que le PQ veut présenter. Ah ouais. Vous avez entendu peut-être aussi, il y a Sylvie Legault qui veut se présenter. Ah, c'est pas rien, ça. Qui ça? Sylvie Legault, la comédienne de Vision mondiale. Mon Dieu, le Québec va si mal que ça? Oui. Oh, tu es obligé de se parrainer nous-mêmes? Oui, il y a des. Mais, ouais, non. Mais ça va si mal, parce qu'il y a PKP qui a décidé de ne pas se présenter finalement. Fait qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Non, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi cette semaine? Ben, il y a eu la chicane qui est poignée là, dans la série Les Jeunes Loups. Vous avez vu ça? Hein? Hey, dis-moi pas que France Castel s'est acheté un Commodore 64 et ne trouve pas le bouton push. Non! Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça, en fait. La chicane est poignée entre Régent et la fille de Régent. Et ça, c'est au sujet des cachets d'écriture. Il y a de l'écriture des Jeunes Loups. Oui. Paraîtrait-il, mais j'ai longtemps cru que c'était improvisé. Ben mais oui. Oui. Mais la question qu'on doit tous se poser ici en tant que société, c'est est-ce que la fille de Régent a été dompée dans une garderie à 7$? Oh! Ça, c'est important, ça. Sûrement pas. Ah non? Régent a dû lui payer une sculpturale nounou africaine au sein lourd et nourricier, mais au galbe qui aurait fait tourner la tête à un auteur barbu en cavale en Afrique cherchant un clitoris à sauver. Est-ce que c'est Régent qui écrit vos textes? Officiellement, oui, mais il paraît que c'est sa fille, finalement. Ah! Sinon, ben, quoi d'autre? Ben, il y a eu Justin Trudeau aussi qui a connu un début de semaine assez difficile, hein, parce que Justin a encore manqué de jugement. Là, il va falloir être plus précis parce que Justin, manquer de jugement, c'est assez flou. Un peu plus. Oui, non, je sais. En fait, je parle de la petite blague sur l'Ukraine. Ah. Hein? Bon, mais ben, il s'est excusé quand même. Sa grosse blague, il va-tu s'excuser? Quand il dit qu'il peut être premier ministre. Ouais. Non, il s'est pas encore excusé pour celle-là, non? Non. Mais t'es encore bonne. Fait que tant qu'on rit, c'est gargant. Parlant d'excuses, quoi d'autre? Ah! Je sais pas si vous avez vu ça, mais il paraît qu'il va y avoir une femme en Formule 1 la saison prochaine. C'est pas une blague? Vous avez Voyons ça? Donc, sont-ils en faillite? Non, mais... Le froid. J'espère qu'ils sont réchauffés parce qu'ils s'en viennent. Il va falloir rire fort. Non, mais moi, il y a une chose, par exemple. J'espère qu'ils ne feront pas se stationner en parallèle d'un puits. Oh. J'en ai une autre. Ah ouais. Il paraît qu'elle a demandé de courir podcast pour pas briser son brochet. Ah! Non, mais les femmes, hein? Ah! Si on ne surveille pas, ils vont rentrer dans nos tavernes avec leur rouleau à part pour nous dire de rentrer à la maison. Franchement! Ben oui! Je te parle pas de nos belles-mères! Ah, les belles-mères! Allez, on se croirait avec le Basile. Vous voyez, la culture, vous quand même. D'ailleurs, on en reçoit une cette semaine, une femme, une excellente, d'abord celle excellente comédienne Sophie Cazieux. On est très heureux! Est-ce qu'on a une blague à faire sur elle? Ah, on aurait pu faire une coupe de blagues sur la série Adam et Ève, mais on a plus de classe que ça. Ah ouais. On ne fera pas ça. Parce qu'en réunion, on avait une coupe. On a-tu ri? Mais on a de la classe. Ah oui. Et nous n'en ferons aucune. Non. Mais bon Dieu qu'on a ri. Je nous aime, Fred. J'aime notre classe. On reçoit également Dan Bigra à l'émission. Oh, on est très contents. Ça fait longtemps qu'on travaille sur Dan Bigra. Est-ce qu'on a des blagues à faire sur lui? On en aurait une coupe à faire sur les tunes de Canadian Tire. Mais on a plus de classe que ça, frère. Oui. Et de la classe, on va en avoir encore longtemps parce que la soirée est encore jeune! Oh! Olivier Niquet. Oui, c'est moi. Vous êtes responsable des internets. Effectivement. Allez-y. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir le député Daniel Breton somnoler pendant une conférence de presse qui a fait dire à certains sur Twitter qu'il dormait au gaz. L'apprenez-vous? Okay. On passe au courrier des auditeurs. Ben d'abord, on a Simon Gauvin qui veut savoir est-ce que la physique quantique sera en mesure d'expliquer Jeff Fillion? Non, mais à l'inverse, je suis sûr que Jeff Fillion pourrait nous prouver que la physique quantique a un bien gauchiste. On verra ça la semaine prochaine sur Énergie. Enfin, Pierre-Luc Bouchard demande est-ce qu'un jour il y aura une section hockey à la soirée est encore jeune? Ben Pierre-Luc, si vous voulez rire en regardant du sport, là, syntonisez donc TVA Sport. Stéphane Richer qui analyse le troisième trio de Canadiens, il n'y a rien de plus drôle que ça. Ben, merci beaucoup, Olivier. Hey, ça fait plaisir. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, mais comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Bien, bien, je vous remercie. Bon, vous nous parlez de quoi ce soir? Ben écoutez, Jean-Philippe, aujourd'hui, je me sens un peu investi d'une responsabilité envers votre auditoire. Hey, c'est votre texte de la semaine passée. Je sais bien, Jean-Philippe, mais comme vous le savez, encore une fois, comme la semaine passée, on vient de vivre une semaine très riche sur le plan de la politique provinciale. Uh-huh. Vous le savez, des élections imminentes, Jean-Philippe, des départs, des nouvelles candidatures. Et encore une fois, j'ai eu la naïveté de me dire, bon, ben la soirée est encore jeune, c'est une émission d'actualité. Ouais. Jean-Philippe va sûrement recevoir des hommes politiques pour en parler. Ben non. Hein, visiblement, votre recherchiste poursuit sa deuxième semaine de dépression. Hein? Ou elle a l'impression qu'elle travaille sur deux hommes en or. Hein? Elle a bouqué de la variée de coche, comme ça. De ben personne. Oui, continuez, Jean-Sébastien, là, c'est bon. J'ai décidé de mon côté qu'il fallait que j'aille à la rencontre d'un gros nom de la scène politique et j'ai trouvé la candidate parfaite. Oui. Je me trouve présentement dans son bureau de circonscription à Kirkland, Jean-Philippe. Mais mon Dieu, est-ce que c'est ça, Zanetti? Non. Mais c'est qui? Vous allez être extrêmement content, Jean-Philippe. Ah, pas ma belle Yolande James. Votre belle Yolanda, Jean-Philippe. Oh, qu'on est content. Oui, cette jolie et sympathique candidate qu'on adore ici à l'émission La soirée est encore jeune. Ah, oui. Et vous le savez, hein, qui a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait se retirer de la vie politique. Et c'est pas la seule, c'est plein d'élus du parti aussi qui partent en courant depuis quelques jours. Ben oui. On va donc jaser avec elle de son avenir. On va tenter également de trouver de nouveaux candidats pour le parti avant qu'il n'y ait plus un mot de chat dans le parti. Ben, hey, ça va-tu mal, hein? Oui, donc elle va arriver ici dans quelques minutes. Oui. Moi, je l'attends déjà dans son bureau. Et étonnamment, Jean-Philippe, c'est un très, très beau bureau. Ah? C'est propre. Ça sent bon. Ça sent très bon. Et j'ai pas vu la moindre coquerelle ici, Jean-Philippe. Ouais, ben fermez pas la lumière, par exemple, hein? c'est ça le problème. Hein? Ah, c'est ça. Bye! Je me retrouve tout de suite, Jean-Philippe. Au revoir. Bye. Notre premier invité. Depuis qu'on a pu la découvrir dans l'émission Ouattatata, elle poursuit une magnifique carrière autant à la télévision, au cinéma qu'au théâtre. Accueillons une actrice en résidence, Madame Sophie Cadieu! Bonsoir, Sophie. Hey, assoyez-vous, hein. Je vous en supplie. Là, je vois que vous avez de l'eau. Voulez-vous une bière? Oh, non, pas tout de suite. OK, parfait. Ben, ça dure juste une heure, l'émission, par exemple. Hein? OK, tout à l'heure. OK, parfait. Hey, Sophie, on a une grosse soirée, nous, hein? Ben oui, Tabarouette, on commence ça, la soirée, t'es encore jeune. Ben oui. On poursuit ça à TV, à Télé-Québec, tantôt. Oui, puis après? On brunch demain matin. Ouais. OK, on se fait ça. Mais non, à mais c'est vrai. À quel poste, le brunch? Pardon? À quel poste, le brunch? TVA. Évasion. Ah oui, il me semble qu'on ferait ça en Grèce, à Évasion. Oui. Ça a l'air le fun d'animer dans ces chaînes-là. Hein? Tu pars en voyage à Évasion, t'es payé, tu t'es bronzé. Mon Dieu. C'est facile. De toute façon, c'est déjà facile ce qu'on fait, nous, animer, jouer. Ben oui. Hey, c'est, pas des, faire ça. C'est pas des vrais métiers. Ben non, je le sais. C'est ça qui est fou. Mais c'est vrai que c'est pas des vrais métiers quand même. Ça fait 3 ans que vous êtes en résidence à l'Espace Go. Comment on se fait offrir une résidence en tant que comédienne? Faut-il appliquer? Non, c'est la directrice artistique Ginette Noiseux qui m'a vu évoluer dans son théâtre, puis elle avait envie de tenter cette expérience-là de passation, d'offrir l'espace du théâtre à une jeune artiste. Habituellement, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est plus souvent des auteurs ou des metteurs en scène. Une actrice, qu'est-ce que fait une actrice avec une résidence? Ah ben, avez-vous de l'argent pour vous loger, c'est la première question. J'ai eu les clés du théâtre, ce qui m'a permis d'essayer d'initier des projets, d'inviter des gens avec qui moi j'avais envie de travailler et d'habiter tout lieu d'Espace Go, autant de faire une installation dans les toilettes qu'une perfo dans les bureaux. Bon, le lieu est habité par qui je suis. Par Sophie Cadieu. Posons la question, est-ce qu'il y en a eu d'autres, des artistes en résidence comme ça à l'Espace Go? C'est la première fois, mais il y en aura d'autres après moi. Qui? Ben, penses-tu que je vais te le dire? Ben, mon Dieu, je suis si bête que ça? Mais non! Non, excuse-moi. Non, hey, je voulais faire une blague, ça n'a pas assez drôle. Hein? Ça me fait mal, Sophie. Aimé, moi. Ça me fait mal. Non, mais c'est juste, c'est pas encore annoncé. OK, parfait. Ouais. Mais c'est-tu une jeune comédienne ou c'est un gars cette fois-là? Non, c'est une autre femme. Ben voyons donc, c'est donc étonnant, ça. Ben oui, mais c'est un théâtre de femmes. Ça bon, on est capable de faire des choses aussi, nous, les hommes. Oui, j'en doute aucunement, mais faites vos preuves. OK. On va rester chauffeur en Formule 1, Fred. Chacun ses choses. Nous qui avons si peu d'endroits pour s'exprimer. Ouais. Ça m'écoeure. On va le garder chaud, là. Toujours est-il que, vers la fin de votre résidence, un des derniers projets que vous avez fait, c'est La Ville, qui était une pièce qui fait beaucoup parler d'elle. Oui! Moi, j'ai lu 2 critiques de cette pièce-là. Une critique dans le Journal de Montréal. Oui! Qui disait... comment il s'appelle, cette... Louise Bourbonnais. Ah, vous la connaissez. À ma sortie du théâtre, j'ai croisé un sans-abri et j'ai été reprise par la triste réalité en pensant à la présentatrice de l'Espace Go qui a tenu à remercier, avant que la pièce ne commence, Ottawa, Québec et Montréal pour leur généreuse subvention. L'argent des 3 paliers du gouvernement aurait pu servir à bon escient, comme nourrir une salle comble de sans-abri pour plusieurs soirs. Dommage. Bon, ça, c'est la critique du Journal de Montréal. L'autre critique que j'ai lue, c'est celle de Fred Savard, qui est allé voir votre pièce. Oui. Et à la sortie, il l'a dit, « À ma sortie du théâtre, j'avais le goût d'arroser. » Bon. Ben, c'est que c'est, on va se le dire, c'est à rire un peu, hein? Ah! C'est un doudou l'arrosage. Oui, doudou okay, l'arrosage. Mais pourquoi c'est si aride que ça? Parce que je lisais les critiques et je me disais, bon, c'est vrai que ça a l'air d'être un texte compliqué. Ça a été une mise en scène compliquée. C'était quelque chose de super difficile à comprendre, visiblement, en tout cas pour la dame du Journal de Montréal, mais bon. Mais c'est pas un projet clé en main. T'sais, des fois, ça. Oui, je pense qu'il y a des pièces de théâtre qui ont des structures plus linéaires. Là, c'est un labyrinthe, c'est un puzzle, puis il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc, soit tu vois cette œuvre-là, et soit tu peux être agacé par le fait que tu ne sais pas quel chemin emprunter. Et d'autres fois, eh bien, il y a des gens qui adorent se laisser porter et trouver leur propre chemin, se questionner, après prendre un verre avec des amis, puis dire « Ah, mais moi, je pensais que c'était vrai. Moi, je pensais que c'était dans le roman. » Donc, je ne pense pas que c'était la chose la plus inaccessible qui soit. Oui, il y avait beaucoup de mots. Oui, c'est un environnement assez sombre, mais je pense que c'est ça le propre du théâtre, c'est d'offrir des expériences qui sortent du commun. puis comme toute expérience artistique aussi. Tu sais, on n'arrête pas de chialer contre le prix mâche. Ouais, c'est ça, on ne savait pas ce qu'on allait dire. Non, mais contre le prix mâché de nos sociétés qu'on nous donne tout le temps du prêt à cuire. Et là, quand il y a des choses qui sont d'une certaine exigence, avouons-le, mais pas inaccessible, il y a plein de cégepiens et de secondaire 5 qui sont venus voir le spectacle, qui après nous ont posé des questions, puis ils étaient intrigués parce qu'ils se demandaient s'il y avait la bonne conception des choses. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand il y a quelque chose qui arrive, je trouve ça dommage qu'on le positionne tout de suite dans quelque chose d'inaccessible. Puis, si vous voulez pas vous casser la tête, pas un autre film déprimant. Une installation contemporaine avec juste des bouts de bois. T'sais, faut des fois passer l'autre côté. Moi, je trouve qu'avec un amant caché, là, juste dans le coin, ça aurait fait un bon mix, ça aurait été drôle. Puis une porte qui claire, je sais pas. Mais faut pas se dire en théâtre, faut dire. Non. Vous parlez du théâtre d'été, la freine. Mais... non, mais c'est... moi, les saisons, là. Mais c'est vrai que... C'est vrai que tu sais, le travail de Denis Marleau et de Stéphanie Jasmin est reconnu à l'international. C'est eux qui ont fait l'exposition de Jean-Paul Gaultier, mais ils sont aussi à la Comédie française. Ils se promènent à travers le monde. Ils ont fait le Palais des Papes à Avignon. Donc, oui, ça rejoint les gens, mais c'est sûr que c'est pas du grand public pour tout le monde, mais je pense pas qu'il faut fermer la porte puis dire... Oh, c'est vraiment pour initier. Mais peut-être que la solution, c'est de juste plus inviter cette dame-là du Journal de Montréal quand c'est compliqué. Quand c'est compliqué. Mais c'est son droit de ne pas avoir aimé le spectacle. Ça, je le respecte énormément. Mais après ça, de faire un parallèle démagogique avec la nécessité de l'art et la nécessité de manger des gens dans la rue, ben là, je trouve que c'est un débat qui n'est pas d'égal à égal. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez privé des itinérants de manger là, avec ça. Mais bon, on en parlera plus longuement avec Dan tout à l'heure. Mais c'est je dis juste que c'est pas faux. Je peux-tu avoir une blague d'Adam et Ève, s'il vous plaît? Mais quand je vous dis que j'en ai pas, je veux dire, c'est bête de même, je me suis dit, c'est assez, là. Franchement, on va arrêter de taper sur ce clou-là. Non, mais parlons de financement de théâtre, parce que ça a été un gros, gros sujet cette semaine. Et il y a Dave Saint-Pierre qui a dit, bon, si on n'a pas de financement, quand je fais des shows à Montréal, je perds de l'argent, j'en ferai plus à Montréal. Vous avez aussi monté La Fureur de ce que je pense, qui a très bien fonctionné. Vous deviez le faire à Québec, et puis vous n'avez pas le financement pour pouvoir le faire. Puis la question qui me vient en tête, c'est, mais quand on fait des succès de même, là, je veux dire, quand ça fonctionne au bout, là, c'est clair que ça roule, vous n'êtes pas capable de vous autofinancer, de vous dire, bon, ben ça fonctionne ce show-là, mais en faire 10 des représentations, de mettre ça dans les poches? Non, c'est ça, c'est que le coup de plateau d'avoir 7 interprètes sur scène, par exemple, et Dave Saint-Pierre qui sont plus de 30, ils devraient vendre les billets 150 $ juste pour pouvoir rentrer dans les coûts de la location de la salle puis de payer semi-décemment les interprètes. Dave Saint-Pierre, c'est pas un costume qui coûte cher, c'est sûr. Mais non, mais donc, le coût, dans le fond, quand les théâtres font des supplémentaires, là, ils perdent de l'argent. Habituellement, oui. Ah, ben c'est une drôle d'idée. Mais non, mais on savait pas. Il me semble qu'on sait pas ça, ça n'a pas de sens. Vous faites des supplémentaires parce que ça fonctionne, mais vous êtes sûr de perdre de l'argent en faisant ça, donc c'est que pour plaire au public. Oui, ben c'est pour que l'œuvre puisse être le plus vue possible, tu sais, que ça soit le plus diffusé, mais c'est rarement rentable. Une pièce de théâtre, ça, à part, je dirais, que peut-être des méga productions qui sont financées par le privé, mais le théâtre financé par l'État est habituellement quasi déficitaire ou égal. Puis pourquoi on n'investit pas plus? Puis là, je vous lance comme ça pour que vous parliez pendant 10 minutes contre le gouvernement. Mais pourquoi on a... pourquoi il n'y a pas plus d'argent dans le théâtre? Pourquoi c'est si difficile d'aller chier une pièce de plus? Bien, écoute, ça, c'est une question qu'on se pose de plus en plus sérieusement. Puis je pense pas juste dans le milieu du théâtre, mais dans le milieu de la danse, dans le milieu des arts en général. Encore, le budget Marois est sorti cette semaine avec aucune statu quo au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, là, on attend de voir si c'est quoi les crédits qui sont offerts. Mais c'est que je trouve que c'est un gouvernement qui se pavane du fait que de l'importance de la culture et de l'identité québécoise et ce qui façonne un peuple. Oui, c'est peut-être c'est sa langue, mais c'est aussi la mixité de la façon dont il s'exprime. On peut reprendre ça, hein, parce qu'il y a aucun tellement problème. Prendre ça. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est que le gouvernement se pavane en disant que nous parle de l'importance de la culture et ils ne sont même pas capables de mettre on ne demande pas des milliards de dollars, c'est même pas d'avoir 1% du budget, alors qu'on construit avec le béton le magnifique quartier des spectacles, mais puis on construit des théâtres, mais après ça, on ne soutient pas les artistes qui jouent dedans. Il y a Éric Salvaille quand même dans le quartier des spectacles. Non, mais Mais je... Non, mais je dis ça, mais il est quand même là. Mais je comprends tout à fait. Non, c'est parce que c'est comme des... on construit des infrastructures et après ça, ben là, on dit, hey, on vous donne une enveloppe, ouais. On fait des belles photos poignées de main, des chèques de 3-4 millions. Et deux ans après, ben, on coupe les subventions aux organismes qui habitent dans ce lieu-là. Et là, ils ont de la misère à payer le chauffage. Ben... Puis ils sont même pas capables de vivre de leur art. Fait que ce béton-là, finalement, à quoi il sert? À faire beau. À faire beau, ben, puis à faire ça, rouler problème, un autre type d'économie aussi qui n'est pas des fois aussi mais profitable. En même temps, le problème, c'est ça. C'est mais moi, que... je peux continuer à parler, maman. Non, mais je vais te donner du gaz pour continuer. Voyons donc, je te laisserai pas de même. Non, mais je disais... Je suis pas une experte du sujet, tu sais, c'est juste que je suis concernée. Mais c'est parce que je pense que l'art, à chaque fois qu'on parle d'art et de financement de l'art, on se demande tout le temps qu'est-ce que ça donne vraiment, tu sais, pour une pièce investie, qu'est-ce qui nous revient? Parce que c'est un peu dans les nuages, hein? On se dit ça, mon Dieu, tu es une belle pièce de théâtre, on investit combien dans ça? Qu'est-ce que ça donne, tu sais, à part que Denis Marleau va se payer une petite maison à Paris, là, je veux dire, tu sais, ça nous donne quoi à nous? Pour vrai, c'est une vraie question. Bien, au point de vue économique, je pense qu'un dollar investi rapporte 1,75 $ à la société. Mon Dieu, c'est mieux que BlackBerry. non, mais c'est vrai quand tu y penses. Non, mais c'est vrai. Et aussi, c'est l'apport intangible. Ouais. Et c'est ça qui est dur à défendre, c'est de dire, tu sais, c'est pas comme genre, on finance une aluminerie puis ça crée 200 jobs pendant 5 ans. Qu'est-ce que c'est d'offrir la possibilité à des enfants qui n'ont pas ça à la maison d'aller voir du théâtre, d'aller voir de la danse, d'aller lire des livres, d'être en contact avec un conteur africain à la grande bibliothèque? Tu sais, tout ça, c'est offrir, c'est une ouverture sur le monde, ouais. C'est une ouverture sur l'autre. Et ça se monnaie pas, mais c'est important. Oui, je comprends, mais peut-être une dernière suggestion avant qu'on se quitte. Là. Peut-être si vous faisiez des pièces de théâtre qui étaient utiles, genre une pièce de théâtre sur remplir les nids de poules. Oui. C'est bien niaiseux quand tu penses à ça, mais quand tu sors de la pièce, tu te dis, ben, au moins, ils ont réparé un bout de ben céleri. Ouais. Tu comprends? T'sais, on passe un beau moment. Ben, on passe un beau moment, c'est artistique, puis en même temps, regarde, il y a moins de tout Saint-Denis, ou ben, vous construisez des pans de murs en même temps, puis là, ben, ça fait des logements sociaux. Mais nous, on essaie de... Je veux dire, on essaie de réparer les humains, en quelque sorte. Ah, oh, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, par exemple. Puis je pense que c'est une belle phrase de fin d'entrevue, ça. Mais vous allez rester avec nous? Parce qu'on reçoit Daniel Bigras après. Ah, oh, d'accord. OK. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous savez que c'est toujours le temps d'écouter un peu de Radio X Jazz. Hein? Oui. Et cette semaine, paraît-il que notre animateur préféré, Kevin Gosselin, a de très, très bonnes nouvelles. On l'écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui bûche les itinérants. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Ariane, Kevin Gosselin au microphone. Je suis très, très heureux aujourd'hui et j'ai envie de célébrer avec vous. Non, ce n'est pas grâce à nos codes d'écoute si je suis heureux. Elles sont toujours aussi familiers que j'aimerais bien me dire que faute de quantité, nous avons la qualité. Mais après être allé à notre journée de ski dating au Mont Habitant samedi dernier, je dois dire que j'ai été pas mal déçu. Nos auditrices ne sont pas aussi jolies que je le pensais. En même temps, des pantalons de neige, ce n'est jamais aussi sexy qu'un J-string. Non, je suis heureux parce que le gouvernement conservateur a enfin annoncé la création d'un registre des délinquants sexuels que les citoyens pourront consulter. Ça fait des années qu'on attend cela. On pourra enfin se faire justice soi-même et lyncher les chiens sales qui n'ont pas assez payé leurs dettes à la société. Quand on dit que le Québec est endetté, je pense que c'est de ça aussi qu'on parle. Et je rassure nos auditeurs qui craignent que ce registre devienne le fiasco du registre des armes à feu. Je dis non, pas de danger, parce que les armes à feu ne violent pas nos enfants, mais les récidivistes, oui. Et je me réjouis également que ce soit le Conseil des ministres qui établit les critères de risque à la récidive et non pas des psychiatres qui, on le sait, ont un biais gauchiste et ne pensent jamais aux victimes. Et j'espère que dans ce registre, on pourra mettre également les environnementalistes, les opposants au gaz de schiste ainsi que des militants pro-Palestine qui sont, à mon avis, des pédophiles de la pensée de nos enfants. Je vais d'ailleurs dédier la prochaine pièce à ce registre. Alors on écoute le tromboniste J.J. Johnson accompagné du Kai Winding Quartet avec la pièce Mad About the Boy sur les ondes du Radio X Jazz de 91, blanc. On va aller voir Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, on arrête de parler de théâtre et on parle enfin de politique, si oui. Vous voulez bien. Ben oui, je comprends donc. Hey, il y a toujours bien des limites. Réparer les êtres humains, toi, chose. Alors, c'est toujours... Hey! Peux-tu dire qu'on l'a trouvé drôle à Kirkland, celle-là? Oh là là! Donc, oui. En direct de Kirkland, dans le bureau de la belle Yolande James, elle vient tout juste d'arriver. Alors, Yolande James, on le sait, en députée de la circonscription de Nelligan depuis 2004 dans le caucus libéral. Elle a été ministre en gouvernement Charest de 2007 à 2012. Je lis Madame James, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Jean-Sébastien. C'est fait, merci infiniment d'être avec nous. On le sait, évidemment, il y aura des élections dans quelques jours, mais vous avez annoncé aussi il y a quelques jours que vous ne serez pas là dans la prochaine élection. Vous cessez de pratiquer pour vous occuper de votre petit bambin, un bébé tout neuf. Évidemment, on vous comprend, on comprend vos motivations, surtout que je vois ici sur le coin de votre bureau une photo de votre petit bébé tellement cute. Il vous ressemble tellement, Yolanda. Mais, étrangement, il a donc bien les cheveux frisés, ce petit gars-là. Ah, ma coquine, dites-moi pas que c'est Jean Charest le père. Tant qu'à partir des rumeurs, là, je suis déçue. J'aurais pensé que vous auriez au moins choisi un frisé issu de la diversité comme, je sais pas, Obama. Ah, Obama! Ou peut-être... Oh, joueur d'hockey, Piqué. Non, je pourrais être la mère de Piqué, l'espère. Mais sérieusement, évidemment, on fait des blagues, hein, mais je pense que ça prend beaucoup de courage pour choisir sa famille au lieu d'une belle carrière politique. Surtout que présentement, on s'entend qu'avec votre chef, vous avez tellement le vent dans les voiles. C'est un très gros sacrifice. Non, mais sérieusement, on fait des blagues encore depuis tantôt, mais la question qu'on se pose, évidemment, vous voulez rester avec, à la maison avec votre enfant. Est-ce que c'est vraiment par souci d'être une bonne mère ou parce que vous êtes trop cheap pour payer 2 piastres de plus par jour? J'ai pas de place. Mon fils n'a pas de place en garderie. Je suis l'ex-ministre libérale de la famille. Ils n'ont pas voulu m'en donner. C'est ça. Ah, maudit Pékistamar. Ma belle Yolanda, on va parler de votre avenir, évidemment, l'avenir de votre parti. Mais avant, si vous le voulez bien, on va écouter le billet de celui dont la mère aurait dû, elle aussi, rester à la maison pour bien partir dans vie. Fred, ça va. Merci Jean-Sébastien. À tout de suite. Bye-bye. Bye Yolande, là, pauvre petite. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui est très, très, très heureuse du retour de Jeff Fillion à la radio. Ah, ça part bien, ça, Fred! Alors, j'aimerais revenir sur ce sondage CBC HECOS rendu public en début de semaine et qui nous apprend que plus de 51% des anglophones et des allophones ont songé à quitter le Québec dans la dernière année. C'est très, très, très inquiétant, Jean-Philippe, et ouais. J'aimerais me mettre en mode solution pour garder ces gens-là chez nous, parce que contrairement aux méchants de l'antinique, je ne prends pas ça à la légère du tout et je ne considère pas que c'est une basse manœuvre qui vise à faire peur au monde à l'aube d'une possible élection majoritaire du Parti québécois. Je sais, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de nos Anglos qui veulent quitter le Québec. Rappelez-vous l'épisode des Trucks de la Brinks. Pour les plus jeunes, un culte face à l'histoire, c'est un pléonasme ici. Rappelons-nous le 25 avril 1970, alors que le Parti québécois chauffe les fesses du parti de Robert Bourassa, il devait pas dire ça. Des fédéralistes montent une mise en scène en alignant 9 fourgons blindés de la Brinks devant les bureaux de la Royal Trust à 9h le matin devant le photographe de The Gazette qu'on avait préalablement averti. Évidemment, on tente de berner la population à l'effet qu'il y aurait eu une fuite de capitaux à cause du PQ. La belle affaire. Le PLQ gagnera finalement les élections de 70 et s'en suivra la fameuse crise d'octobre qui marquera les esprits, particulièrement celui de Will Pohoe, le suave designer de la compagnie Moose Knuckles, le créateur de cette infâme campagne publicitaire francophobe pour vendre des maudits mentholettes. Bon, on n'a même pas hésité sur Facebook à comparer les épisodes du FLQ à ce qui se vit présentement dans des pays comme l'Égypte, la Syrie et l'Ukraine. Voilà les ravages que peut faire un abonnement prolongé à un journal comme The Gazette ou The National Post. Alors, pour paraphraser le chroniqueur Brendan Kelly sur Twitter, gotta admit, vous allez voir, j'ai un anglais incroyable, gotta admit, after 4 decades of this, I'm just a little bit fatigued by Anglos endlessly threatening to leave. Me too, Brendan, I'm a little tired by Anglos. Mais là, je pense qu'il faut les prendre au sérieux, parce qu'il n'a jamais été aussi difficile d'être anglophone au Québec aujourd'hui. Et le sondage ECOS nous offre des raisons pourquoi nos concitizens ont songé éventuellement à penser à déménager au cours de la dernière année, peut-être. Les raisons sont multiples et complexes, mais je vais vous les décortiquer avec toute la profondeur d'analyse qui me rend si essentielle et si appréciée auprès des gens qui nous écoutent. C'est ce qu'on me répète, je vous le dis toujours. D'abord, certains trouvent que les impôts sont trop élevés. C'est la raison facile. C'est vrai que ça coûte cher, tous ces programmes sociaux. Il y a un prix pour se faire soigner dans les deux langues et s'éduquer dans les deux langues. C'est vrai que c'est une richesse, deux langues, mais ça coûte cher, deux langues. Pas pour rien que l'Université de Montréal permet maintenant à ses élèves de remettre leurs travaux en anglais. S'ils le veulent, c'est pour un jour pouvoir économiser. Autre raison, l'incertitude politique. Là, je dois dire qu'ils ont raison d'être inquiets, nos anglophones. Quand je vois les deux partis souverainistes tenter farouchement de remettre la souveraineté à l'ordre du jour, comme le font Québec solidaire et Option nationale, n'importe quel imbécile avec une feuille d'érable tatouée sur le groin devrait trembler, oui. Pour ce qui est du PQ, Je ne stresserai pas trop avec eux. Ils aiment parler de souveraineté, surtout dans l'opposition. Mais normalement, quand ils sont majoritairement au pouvoir, ils aiment bien se contenter de rester majoritairement au pouvoir. On n'est plus dans les années 70. Autre raison évoquée par nos amis du Rock et The Rest of Québec, la politisation de la langue. Et encore là, je lance un appel au calme. Les chiffres le disent, le français est en recul à Montréal. Et si on se fie à ce qu'on entend à la Commission Charbonneau et sur la plupart des médias francophones, sauf ici, il est en recul pas mal partout au Québec, finalement. Mais ce n'est jamais rationnel, c'est peur de perdre sa langue. Et je sais que nos amis anglo, connaissant parfaitement leur histoire canadienne, savent ce qui est arrivé aux minorités linguistiques francophones de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba. Je les comprends de ne pas vouloir devenir une minorité folklorique qui ne sert qu'à être fêtée dans un festival folklorique une fois par année. Mais je doute que ça puisse arriver, du moins ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Et rendu à l'extraterme, nous parlerons tous mandarin, anyway, ou comme on dit en Chine, anywang. Vous avez fait vos recherches chez Anyone, qu'on dit? Oui, oui, c'est Anyone. OK, d'accord, je suis pas certain. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours avec la belle Yolanda. Yol, vous n'êtes pas la seule au PLQ, évidemment, voire signifier votre intention de ne pas demander un autre mandat. Une chose, évidemment, qui pourrait, Yolanda, aider votre parti, c'est que vous, vous vous présentiez à la course à la chefferie, qui va probablement commencer le 8 avril prochain. Ça ferait de très jolies pancartes. Est-ce que vous pensez que vous auriez des chances de devenir première ministre? Ou est-ce que vous pensez que ça pourrait vous nuire le fait qu'on se soit rendu compte qu'une femme au pouvoir, ça valait pas de la chenoute. Non. C'est pas fin. Non, ouais, moi, je veux pas me présenter. Non, pourquoi? Ben non, je me vois pas là. J'ai fini. La politique, c'est fini pour moi. Vraiment fini? C'est vraiment fini. Je vais avoir le temps avec mon fils les vendredis soirs d'être là puis écouter la soirée sans encore. Ah, ça, c'est bien dit! Seigneur, Seigneur! Je vais voter pour vous quand même, Yolanda. Il va voter. On va tous voter pour vous. Merci infiniment. Alors, évidemment, avant votre chant du signe, on offre une dernière fois la possibilité aux auditeurs de vous écrire, de vous poser une question, de faire un témoignage pour vos nombreuses années pour lesquelles vous avez contribué à la politique. Alors, vous pouvez tous écrire à la soirée@radio-canada.ca. On vous revient dans 20 minutes, Jean-Philippe. Ben, bon Dieu, 20 minutes va être long. OK, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je pense pas être là. Notre deuxième invité. Depuis qu'on a découvert un camisole dans les bars malfamés de Montréal, il poursuit une magnifique carrière de chanteur, de comédien et de grand cœur pour les plus démunis. Accueillons M. Dan Bigrand! Dan Bigrand. Hey, on est bien, bien contents de vous recevoir à l'émission. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, hein? Oui. C'est vrai. Vous avez lancé mercredi dernier votre nouvel album, Les 100 visages au Métropolis. C'est très drôle. J'ai d'ailleurs une copie ici. En fait, mais là, la question qu'on se pose, c'est que ça fait 9 ans qu'on n'avait pas entendu de la musique de Dan Bigrand. Ouais, moi non plus. Ben donc. Pas en tout. Non, moi j'ai des bouts où j'écris plus. Mais c'est pas un bout, 9 ans, c'est une époque. Attends un peu, là. J'ai recommencé il y a 3 ans. Ah. J'ai écrit 50 tunes, j'en ai jeté quelques-unes. 50? Un petit peu plus, même. Tout d'un coup, ça sort. Là, on voit sur les réseaux sociaux se promener des petites vidéos, dont la vidéo... ben, on se parlait de ça, Sophie et moi, hier, sur « Vire ta chaise de bord ». On n'a pas tout compris. C'était quoi? Je voulais que Dan Bigrand nous explique c'était quoi l'objectif de « Vire ta chaise de bord ». Premièrement, c'est une chanson, mais c'est une chanson qui a été enregistrée avec des vedettes. On a Jean Lapierre. Des vedettes, on dit. Ah, des vedettes, Jean Lapierre. Oui. Patrick Lagacé, oui. Denis Coderre, bon, une vedette. Je sais qui, là. Non, c'est sûr. Ben, j'ai deux questions. Oui. C'est quoi? Puis la deuxième, pourquoi j'étais pas là? Je l'ai pris bien personnellement. Pourquoi tu réponds à une question puis tu la poses après? C'était des vedettes. C'est qu'une vedette. C'est qu'une vedette. À Radio-Canada, on dit une vedette. Alors, t'étais pas une vedette. Ben, Sophie Cadieux, t'es pas là non plus. Non, mais pas sur Twitter. Moi, c'était un prérequis un peu. C'est vrai? Ben oui. Moi, l'idée est venue simplement. C'est une petite chanson sur la tolérance. J'aime pas le mot tu tolères les moustiques ou un mauvais poste de radio, mais tu tolères pas des êtres humains. Tu les intolères ou tu vis avec. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, bon, c'est quelque chose contre l'intolérance. Mais c'est des phrases comme ça. C'est pas grave de voir deux hommes s'embrasser. Mais vite, ta chaise de bord, regarde ailleurs, arrête de nous emmerder. Même chose, c'est pas grave de regarder, voir une femme allaiter son bébé en public. Mais ta chaise de bord, regarde ailleurs. Maintenant, tout le monde est d'accord avec ça. Même les gens avec qui je me suis pogné sur Twitter. Puis mon fun, c'était d'inviter des amis, des gens que je connaissais, d'autres avec qui je me suis chicané, mais avec qui on pouvait se mettre d'accord là-dessus. Et Non, mais pas sur la vidéo, mais avant ça, je sais pas, Jean Lapierre, puis moi, dans la crise étudiante, on s'est pogné pas un petit peu. Là. C'est comme, ça devenait une routine, un peu. Et puis, mais je veux dire, c'était un bon bonhomme. C'est pas aussi des affaires extraordinaires. Bernard Drinville était là aussi. Ah oui? Puis je leur avais dit, écoutez, je vous ai juste demandé de venir crier bien fort, vite ta chaise de bord. Fait que je veux pas piéger personne, mais je dis, il y a une affaire que je vous ai pas demandé, mais là, dans le tune, il y a une phrase qui est jouissante à crier dans le tune, c'est « Hostitos ta chaise ». Ça vous tente-tu? Là, Bernard Drinville fait « Oui, moi, ça me tente ». Là, Jean Lapierre le regarde. « Es-tu certain, Bernard? » Là, on a pas mal ri. Là, ça, c'était assez rigolo. Puis Bernard est comme devenu... Il a changé de couleur un peu. Ah oui, hein? Bon, on voyait qu'il réfléchissait intensément. Mais j'ai dit, gars, parce que je filmais toute la bebelle. J'ai filmé ça. Et puis, j'ai dit, regarde, Bernard, t'as deux choix. Soit on sort de la shot, je veux pas te mettre en mort pour rien. Ou bien, tu restes dans la shot puis tu fais exprès pas chanter. On fait un gag avec ça. Il est resté. Il était bien game. Fait que moi, je sais pas, cette espèce d'affaire-là de bien m'entendre avec toute cette gang-là, je leur ai dit à tous, je sais pas si la chanson va résonner chez les gens qui vont l'écouter, mais chez moi, ça me donne des plus belles après-midi de ma vie. Là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du fun. Puis ça a cassé aussi une espèce d'impression, quand tu te chicanes avec quelqu'un, t'as toujours l'impression à l'intérieur de toi que t'es le bon puis l'autre le méchant. Alors, c'est pas ça des chicanes. Tu sais, on niaisait avec le fait que pendant qu'on enregistre pas de chanson, on joue dans des téléséries, mais c'est-tu le fun? Est-ce que Dan Migra, il aime ça, jouer dans des téléséries? Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je suis resté là. Je jasais avec plusieurs acteurs, puis avec une actrice, en fait, avec Élise Guilbeault, puis elle me trouvait assez heureux. J'avais l'air d'être heureux d'être au monde. Puis je dis oui, je suis bien sur un plateau, j'aime ça en général, mais ici spécialement, je dis, imagine-toi, toi, t'as envie de chanter. Puis là, dans ta nouvelle job, là, un soir, tu chantes avec Gilles Vigneault, le lendemain avec Desjardins, sur le lendemain avec Éric Lapointe. Puis c'est comme ça toutes les semaines. Moi, il y a un paquet d'acteurs qui me font littéralement capoter. Il y en a que je vénère. Et j'ai au moins une couple de scènes dans ma vie avec eux. Fait qu'il faut s'asseoir ensemble, se regarder dans les yeux puis se demander comment on va la jouer. C'est absolument passionnant, cette espèce de truc-là que je vis puis qui m'est arrivé comme ça sans que je m'y attende. Moi, tant que Fabienne veut continuer ça, je vais être là. C'est l'expérience. Et j'y trouve quelque chose à chaque fois à cause des nouveaux acteurs qui arrivent toujours. Puis qui, c'est un fantasme, ça, jouer avec ces acteurs-là. Mais vous n'êtes pas un acteur né, vous? Vous êtes dans le sens où est-ce que vous n'avez pas voulu faire ça dans la vie, acteur? J'ai un nez, je peux jouer, mais je ne suis pas... J'avais un fantasme quand j'étais petit d'acteur, c'était mon seul. Je voulais jouer Lenny dans Des souris des hommes. J'avais vu Godin jouer ça, puis il m'avait tellement fait brailler, mais de beauté. Alors, je m'étais dit, ah, c'est un jour, si je peux être grand, puis jouer ça moi aussi une fois dans ma vie. Puis c'était mon fantasme d'acteur, j'en ai jamais eu. Mais vous jouez? Non, j'y pense, mais... Sophie l'a dit au début, c'est toujours un vrai métier. Il y a le théâtre aussi, puis l'argent que ça enlève aux sans-abri, c'est ça? C'est vrai! Mais ça, c'était écœurant. Ça, parlons des sans-abri. Ça... Vous devez être en maudit contre Sophie. Hein, parce que... Non, mais je trouve ça dégueulasse comme chantage, parce que, je veux dire, quand on fait des raisonnements comme ça, puis qu'on sait que le théâtre prend un nombre d'argent infinitésimal, au lieu de faire le chantage sur les acteurs qui prennent 3 cents, arrête donc les déductions de banque de centaines de milliards, alors qu'ils en font déjà des centaines de milliards. Arrête les visites de la famille et de la reine qui vient ici. Ça nous coûte 15 millions à chaque fois. Puis si tu veux voir l'hostie de reine, regarde tes hosties de pièces. C'est un chantage. Je trouve que c'est un chantage déplacé. C'est pas vrai que les acteurs prennent de l'argent comme ça. Puis ce qu'il y a, c'est que si ça venait d'une couple de gens mal renseignés, je dirais, il faut les renseigner. Au départ, ces rumeurs-là ont été parties par notre propre premier ministre, Harper, qui, au lieu de répondre à des artistes qui le critiquaient, ont dit « Moi, je ne fréquente pas les gens qui sont sur des tapis rouges. » Hey, la semaine, je m'excuse, ils sont sur un tapis rouge une fois par année quand ils sont nominés. Le reste du temps, la majorité des acteurs vivent sous le seuil de la pauvreté. Je ne connais pas un seul acteur qui vit de subventions. Ça n'existe pas, ça. Non, puis c'est pas seulement, tu sais, quand on donne de l'argent à la culture, puis c'est ça, je disais, tu sais, disons, on donne 1 million pour faire un film, tu sais, c'est pas le réalisateur qui part avec le million comme ça en vrille, tu sais, puis l'acteur, disons, le théâtre reçoit une subvention de 400 000 $ pour toute sa saison. Il y a 45 personnes qui vont travailler, autant l'ouvreur que le concierge, que le concepteur d'éclairage. Mais pourquoi pas aller voir les gens du PQ? Vous entendez bien avec le PQ, je pense, Nancy? Je m'entends bien, ça dépend. Moi, j'y vais au dossier. Je suis pas sectaire. Je suis capable de faire un compliment libéral. Ça pique un peu, mais je suis capable. Mais non, honnêtement, s'il y en a un qui mène bien le dossier, je vais le dire. Je suis pas péquiste du tout. Ça fait des années que je le suis plus. Madame Yvon a fait plusieurs belles choses. Je l'ai félicité à chaque fois. Je suis de son bord à chaque fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Si y en a un autre fait quelque chose que j'aime pas, je l'aime pas. Si je vote solidaire puis que solidaire fait une connerie, je vais leur dire. Mais c'est pour ça que on m'a déjà offert un petit peu de faire de politique. Ben, c'est ça qu'on se dit. Ben, jamais de la vie. J'ai dit, non. Moi, j'ai ma propre compagnie. Je n'ai pas de boss au-dessus de moi qui peut me faire perdre ma job s'il n'aime pas ce que je dis. Comme là, la semaine prochaine, vous n'allez pas annoncer que vous allez être candidat pour le Parti libéral, toujours? Non, ça m'étonnerait fortement. Okay. Okay. De toute façon, vous autres, vous êtes à la voix toutes les semaines depuis. Ben voilà, j'ai ma vocation, alors j'ai pas besoin. Ben oui, c'est extraordinaire. La voix. Oui. Le show de TV, évidemment, vous êtes un des mentors dans l'équipe d'Éric Lapointe. Oui. Est-ce qu'il va avoir un des mentors, il y a juste un mentor. Ah, il y en a un quand? Il est assidu, un citoyen. Non, mais je ne pas pour ça, mais ce que je me disais, ça se peut pas que ça soit le seul. Il faut avoir quelqu'un qui a une grosse voix là, pour venir vous appuyer. Non, il n'y a aucun chanteur qui a la grosse voix dans votre équipe. Non, on ne supporte pas les grosses voix. Là. C'est fini, ça. C'est fini? Non, c'est hâte, les gens qui chantent bien? Ah, terminé. Ah oui? Depuis Vanessa Paradis, on ne supporte plus les grosses voix. C'est-tu vrai? Ah non. Hey, Colin, je suis pas ma musique non plus, moi. Non, mais c'est ça, tu passes trop de temps sur tes cheveux. Mais ça va venir. OK. Ça fait que je vais arrêter ça là. J'avais plein d'autres belles questions, des choses positives. T'es fait débander un peu. C'est des choses qu'on peut utiliser. Mais quand vous avez des invités, là, vous nous aidez beaucoup. C'est un grand merci. Non, mais il faut continuer parce qu'on a encore plein de chroniques. Vous allez rester avec nous, Joe? Ben absolument. Ben, j'espère. Bon, on va écouter Olivier Niquet. Oui. Il est un peu le Rambo Gauthier de la radio Jambon. Il écoute les gars quand ils ont des choses à dire. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Ben, grande nouvelle pour la Radio de Québec, alors que Jeff Filion annonçait cette semaine son retour en ondes à Radio Énergie, un vent de fraîcheur sur la ville de Québec qui manque cruellement d'animateurs extrêmes. Certaines personnes qui n'ont visiblement pas accès à Internet où Filion continuait de dire que deux gars qui se freinent, c'est aussi des gueux que du foie de veau, ont estimé qu'il s'était sans doute assagi. On verra bien, mais il reste que son retour est un peu surprenant considérant les conseils qu'il prodiguait à Radio Énergie il y a quelque temps. Il serait mieux de se positionner, mais arrêtez de parler, là. Fermez-vous la gueule. Donnez quelques petits conseils, le fun. Mettez du groove. Puis jouez des hits. Positionnez-vous tout de suite comme étant le Z100 de Québec, du Québec. Que Radio Énergie arrête de parler, puis qu'il joue de la musique. Ah, très hâte d'écouter DJ Jeff la semaine prochaine. Sinon, on m'avait dit beaucoup de bien d'un nouveau couple d'animateurs qui sévit à CJMS, soit Max Bradette, un gars qu'on sait pas c'est qui, et Jeff Plante, un ancien adéquiste. Le gars qu'on sait pas c'est qui avait justement un commentaire fort pertinent à faire sur l'arrivée potentielle de Pierre-Carl Péladeau en politique. Moi, je te dis que c'est le nouveau Staline de la politique. Puis arrêtez de... Le nouveau Berlusconi. Non. Pierre-Carl, moi, je te dis ce qu'il y en est. Ça va être un des pires dictateurs qu'il va avoir eu au Québec depuis Maurice Duplessis. Puis il va être plus dur que Maurice Duplessis. Plus dur que le fameux dictateur Maurice Duplessis? Genre un peu comme Pauline Marois? Duplessis était un amateur, là. École. C'était de l'amateurisme. C'est gros. Je trouve que c'est... C'est gros ce que vous dites là. À côté de Marois, Duplessis, c'est un amateur, hein? C'est un junior. Oui, dit Jacques Brassard. D'ailleurs, Duplessis soupçonnait les syndicats d'être des maudits communistes, mais il s'avère, suite au témoignage de Rambo Gauthier, que les syndicats de la Côte-Nord ressemblent plutôt aux Allemands de la Belle Époque, comme l'explique Pierre Curzi. Ça me rappelle tout ce que j'ai appris au sujet de ce qu'on nomme des dictatures éclairées. Comment c'est né le fascisme? Je veux pas faire d'amalgame grossier, mais quand les chemises rouges se sont mis à se promener en Italie, en Allemagne, c'était comme des comités de chômage. Hey, Staline, Duplessis, les chemises brunes, en quelle année on est, coudonc? En tout cas, j'ai bien beau avoir une carapace, des fois, c'est dur à supporter toutes ces comparaisons douteuses et je dois me tourner vers des choses plus légères, comme cette semaine, j'ai écouté « La guerre des clans ». À côté de quoi refuseriez-vous d'habiter? Communauté éthique. Ah. Un dépotoir? Non. Un bordel? Non. Une centrale nucléaire? Non. Une communauté ethnique. Et qu'est-ce que le sondage donne? À côté de quoi refuseriez-vous d'habiter? Communauté ethnique. Fallait répondre de quoi, hein? Oui, exactement. On va aller voir ce que ça donne au tableau. C'est ça. Désolé, il n'y avait aucun raciste parmi les répondants. Faut croire que les Québécois sont pas si pires que ça. Ben, à part Pauline Marois, évidemment, qui n'a félicité que les Québécois de l'équipe de hockey du Canada. Et ça, c'est... C'est petit, c'est bas, c'est irrespectueux, c'est du manque de classe, c'est du PQ tout craché, c'est du Marois tout craché, c'est de la snobinardise, et c'est quasiment du racisme. Mais encore? Ça vous démontre à quel point cette femme-là est cheap et mesquine. Petite mesquine. Mon Dieu! Puis je dis quoi à mes enfants qui regardent aller, là? Tu dis à tes enfants, fais le contraire de ce que Pauline Marois fait. Tu veux bien élever tes enfants. Ouverture sur le monde, parle au monde. C'est une mal élevée. Voilà, mon enfant, prends plutôt exemple sur Dominique Moret. Sois nuancé et aime ton prochain. Mais quand même, pas foutu de féliciter Carey Price, un gars sans qui on serait sûrement au bord de la faillite, comme le dit Jérôme Landry de Radio X. Il en fait vivre combien des BS, lui? Il en paye combien des garderies à sa pièce, Carey Price, lui, au Québec, lui? Bon, en même temps, c'est aussi nos BS qui font vivre Carey Price en achetant de la Molson X, mais c'est vrai que ça manque de classe. C'est quoi, on n'est pas fiers de Carey Price parce qu'il parle pas français, c'est ça? Puis Martin Saint-Louis, il parle-tu français, lui? Aujourd'hui, j'ai eu le sang de glace aujourd'hui, ça fait que c'est quelque chose que je suis fier d'avoir resté avec le procès, comme on dit. Fier d'avoir resté avec le procès. Je vous laisse méditer ça et on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Olivier. Il s'en dit des belles choses dans nos radios, hein? Que c'est beau. On va rejoindre Jean-Sébastien Girard qui est avec Yolande James. Jean-Sébastien. Alors, évidemment, avant de procéder à la lecture des courriels, je vais vous demander, Madame James, Dandy Gras, les libéraux, on veut revenir sur cette entrevue. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être approché? Mais je pensais qu'on allait faire l'annonce ce soir ensemble. C'est lui qui allait prendre le comté. Beaucoup, beaucoup de courriels qui vous êtes adressés. Alors, le tout premier. Bonjour, Madame James. C'était écrit dans le ciel que vous alliez finir par lâcher votre job, maudite paresseuse. Pour une fois que votre gang avait un modèle, allez donc rejoindre vos amis dans votre cocotier. Et c'est signé E du M. Dandy Gras, plus libéral, mais quelle insulte, Éric. Là, franchement, là, on est quand même à la clôture du mois de l'histoire des Noirs. Là. Je peux en nommer, que ce soit, je sais pas, Dany Laferrière, Macacoto, cher Normand Brathwaite. Mettons que les modèles, on en masse. Bien envoyé. Deuxième question. Allô, ma pinotte. Maintenant que nous sommes toutes les deux d'anciennes libérales, arrêtons nos cassettes et dites-moi vraiment le fond de votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de moi? Et c'est signé Fatima Oudapé. Fatima. Fatima, chère Fatima, c'est que je t'aime bien. Mais mettons que je suis peut-être pas la seule qui devrait penser à sa retraite. Oh, tablette! Quel bel clip! Enfin, on vient de se mettre sur la map, Jean-Philippe. Je pensais pas que ça allait venir de vous. Ben non, moi non plus. Alors, dernier courriel qui nous vient d'un Jean-Philippe W. Ah... Bonjour, belle Yolanda. Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Je rêve de la couleur de tes mains qui bandent les yeux. Jean-Sébastien, pour vrai, là. Et de ta beauté qui me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Jean-Sébastien, ça devait rester entre nous deux, ça. Ouais. 5-1-4. Merci. 22 heures ce soir, même heure, même place. C'est un rendez-vous, Yolanda. Oh mon Dieu, bisous. Elle est en feu. Merci infiniment, Madame James, d'avoir accepté d'être avec moi. D'une part, parce que j'étais très honoré de vous rencontrer. D'autre part, parce que ça me donne des points multiculturalistes avec mes patrons. Bravo, bravo. Très bien. Pour la diversité, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci, Alan James. Merci énormément. Salut. Bonne retraite de la politique. Notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire s'arrête au concept de l'heure en politique, les candidats vedettes. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Hey, là, avant de nous titiller l'oreille, Jean-Philippe, là, avec votre voix suave, mettez quelque chose au clair. Là. Oui, je veux faire taire les rumeurs d'abord. Non, je ne serai pas candidat aux élections. Qui se passe, Vautier? Moi, je croyais que l'UDA au complet, sauf Annick Jean, peut-être avait été sollicité pour être candidat. Où est votre aura de notoriété, Jean-Philippe? Vous qui êtes pourtant le candidat idéal, un pied à Radio-Canada, un pied à Télé-Québec, un pied dans un club canin, un pied dans L-Québec aussi. Oui, oui. On s'attendait tous à ce que vous vous présentiez dans la circonscription de Saint-Narcisse, je pense, quelque chose comme ça. Mais... Alors, il y a visiblement des limites à ce qu'une chevelure peut faire, mais ça fait mal quand même, hein, les affres de la normalité, hein, d'être finalement au même niveau que Fred Savard ou que pour le plaisir. En tout cas, je suis OK. Cheap, ça. Assez parlé de moi. Parlez des grosses pointures qui se présentent. Dan Gras me regarde avec bonheur. C'est chien raide. Je vais me battre avec vous sur Twitter, Dan Gras. Non, mais donc, des grosses pointures, oui, des vedettes, plus encore que dans une vidéo de Dan, là. C'est l'UDA au pouvoir, Vautier. D'abord, la candidature de Lorraine Pintal. Uh-huh. Hein. Maca Koto est en train de shiner son crâne de panthère pour essayer de rester ministre. Là. Ouais. J'ai... Oui. Moi, j'ai hâte que Lorraine Pintal cite du Shakespeare à l'Assemblée nationale, personnellement. Là. Sophie Stanquier aussi, qu'on a connue comme rôle secondaire dans Peau de banane. Oui! Pourquoi c'est drôle? C'était bon, Peau de banane? Chanteuse émérite du succès On court, que j'ai posté sur le mur de Fred Savard tout à l'heure. Vous irez voir ça. Okay. Elle va danser dans la fumée, le vent frou sur des rythmes endiablés. Ouais. La comédienne Sylvie Legault, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui va se mesurer à Amir Kadir. Sylvie Legault, l'ancienne porte-parole de Vision Mondiale. Oui. Moi, je trouve ça admirable. Hein, sa sensibilité pour les petits avec des gros ventres. D'ailleurs, elle a été avec Luc Senay pendant plusieurs années. Je ris, mais c'est nerveux. Je suis mal à l'aise. OK, mais là, je trouve cynique avec l'UDA. Il me semble que ça augure bien quand même. Ben, c'est pas faux, parce qu'il y a quand même d'autres candidatures qui sont pressenties. Selon mes sources, Rambo Gauthier va se présenter dans la circonscription de Saint-Sacrement du Point-Saïeul. Ouais. Madame Pinot Caron dans Titapi Tecacuita. Ouais. Michel Blanc dans Pina Colada les lesbiennes. Denis Bombardier dans Saint-Éloigné des Proust. Yves Desgagnés dans Beaugarnois les Machos. Et même le nom de Dan Bigra qui circule dans Ram Saint-Vis-à-vis de la chaise revirée. Sophie Cadieux aussi dans la circonscription de Plus de jamais d'Adam et Ève. Mais ça, c'est cheap. Mais ça, c'est cheap. C'est pas des farces en vautier. Même Carrie Price songe à se présenter pour le PQ. Ben voyons, mais Pauline Marois ne l'a même pas félicité pour sa médaille d'or. Ben justement, pour une fois que quelqu'un sac patience, il va au moins voter pour elle. Mais là, on en a parlé avec Jean-Sébastien un peu. Il y a les libéraux qui ont de la difficulté à attirer des candidats. Ben pourquoi? On peut comprendre ça. Ça se bouscule pas parce que la dernière fois qu'un médecin a voulu devenir premier ministre, c'était Pierre-Marc Johnson. Ah ben hein? vous oubliez qu'il est en barrette quand même. Ouais, ben lui, depuis qu'il est devenu maire à Toronto, là, je sais pas trop. Là. Non. Mais Est-ce que c'est cette semaine qu'on reçoit des mises en demeure, Jean-Philippe? Non, mais les libéraux sont plutôt en mode élagage. Yolande James, vous l'avez vu, Daniel Saint-Amand, Yves-François Gautrin, Pierre Marsan. Et selon les dernières rumeurs, je termine là-dessus, Philippe Couillard, lui aussi, risque de quitter son poste de député, mais lui, ce serait le 7 avril. En tout cas, c'est ce que j'entends. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà terminé. Restez à l'écoute. C'est la bibliothèque de René qui nous suit. Merci à toute l'équipe et un gros merci à nos invités de ce soir. On peut voir dans 30 vies Dan Bigra. On peut écouter le nouvel album de Dan Bigra. On peut aussi regarder Dan Bigra à la voix. On peut surtout suivre Dan Bigra dans sa 23e année au show du Refuge. C'est sans arrêt, Dan Bigra. Puis on peut aussi aller vous voir dans votre studio, dans votre sol chez vous, si on veut enregistrer une chanson, je sais pas. Ouais, mais généralement, j'essaye d'être tout seul. Ah! Dans votre sous-sol. Ben, je suis content quand même. C'est une invitation. Ouais, c'est ça! Bon, ben écoutons, je vous appellerai une autre fois. Sophie Cadieux, merci beaucoup. On voit votre prochaine pièce que vous allez mettre en scène à l'Espace Go. Ça se passe dans quelques jours. Oui, c'est dès le 11 mars. Tu iras la chercher. Génial, merci beaucoup, Sophie. Merci énormément. Dès le 11 mars, plus de sans-abri maudit. Ben oui! Qui mangeront pas! C'était cœur. Hein? Merci, Sophie Cadieux. Merci énormément. Si vous trouvez sur l'émission, écoutez-nous en balado. Venez nous voir la semaine prochaine pour assister à l'émission. Vous nous envoyez un courriel. Ici Jean-Philippe Boutique, vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde. Yeah!